Justement, peut-être regarder un extrait du film italien dont on parlait à l'instant. Montbéliard est au Pitière. Montbéliard est un Belge. Film italien, nord plus sud. Écrit, réalisé, improvisé, interprété, discuté, réinterprété par les survivants de ce que la presse a appelé le coup des Calabrais, qui, après avoir occupé la tour Peugeot et les locaux de la sécurité sociale, ont laissé Montbéliard en le qualifiant de champ de bataille inutile. Le film, c'est quoi ? Cos'era questo film? Allora, te lo spiego subito. Questo film, grande, Vincenzo D'Amico da Palermo. Come questo film a tempo stesso era anche era lui. Orazio Mineo da Catania. Poi questo film era anche Gianni Iacogliani da Cosenza. Beh, è vero, non si vede il viso, si vedono solo le mani, queste mani da operaio. Che però, come ha detto Vanzetti, uno dei primi grandi italiani, potevano essere le mani che ha costruito il mondo. Poi questo film era anche Pasquale Urso da Trapani. E infine questo film ero anch'io, là, Gianluca Zanetti da Milano. Ecco cos'era. Chacune de ces photos a 20 ans. À cet âge-là, les personnages qu'ils représentent ont coûté 20 000 francs à leur pays d'origine. C'est donc une subvention que leur force de travail apporte à l'économie du pays développé qui les accueille. L'emploi de cette force représente pour celui-ci une économie annuelle de 60 milliards de francs. Palerme à Milan, via la Suisse, les a conduits à Montbéliard. Vers dit de la première solitude qui s'empare du migrant à peine sorti de la gare et destiné à parlementer avec elle. Gianluca, dans une chambre d'hôtel, le sexe, Horatio au théâtre, la culture. Pasquale devant une boutique de permis de conduire, le sexe de remplacement. Vers et sous-vers pour rompre les pourparlers avec la dite solitude. Vers destiné à comprendre que tout comme eux, les vers, un travailleur migrant est interchangeable. Donc il n'existe pas, ou fort peu. Il n'est pas né, il ne vieillit pas, il ne se fatigue pas, et s'il meurt, c'est uniquement par accident. Fonction unique, travailler. Vers, but contre l'Italie, parce qu'elle leur a donné l'envie d'aller en France. Vers, but contre la France, parce qu'elle leur donne l'envie de retourner en Italie. Vers, but contre la sortie d'usine, peur de se retrouver seul. Vers, but contre la rentrée d'usine, peur de se retrouver avec les autres. Vers brisés contre le mur en pensant au contremaître parce qu'ils symbolisent leur fonction unique, travailler. Vers cassés pour un double emploi, la bagarre raciste ou la défaite de l'équipe italienne de football. C'est un mur. pour poursuivre sur la question du montage, comment s'est passé le montage? Est-ce qu'il y a eu précisément des projections de on peut dire, de première ébauche de film à Montbéliard, où le travail s'est fait d'un seul tenant, et une présentation ensuite? Le travail s'est fait d'un seul tenant. On a monté ça comme des moines pendant 2 ans, puis à un moment donné, on a tout amené. Ce qui frappe aussi en regardant l'ensemble de la série, c'est effectivement le travail de structure, c'est effectivement qu'on a une structure d'ensemble, et en même temps, à l'intérieur de chacun des films, on a des échos aussi, qui sont aussi très... Mais c'était l'idée que ce qu'on appelait, nous, les quotidiens, enfantent à chaque fois un scénario différent. C'est-à-dire, dans son mouvement, la ville, avec ses temporalités différentes, à chaque fois amène un scénario qui est un scénario, disons, dont ils sont à l'origine.